Salut Camille! Salut, c'est cool! On est, c'est cool! On est le 31, on est ensemble jusqu'à 19h30 dans Archifonique! Regardez danser les gens! Ah, nous aussi on a regardé danser les gens, Camille! Oh, ouais, c'est bien parti là! Ouais, on est le 31 décembre, le jour du réveillon de 2015, et on va fêter ensemble ce nouvel an en vous rediffusant l'émission la semaine dernière, dis donc. Ah ouais, on a des trucs à faire. Hein. Ouais, alors on va vous rappeler les cadeaux que vous auriez pu offrir et que vous avez pas offert, hein, peut-être que vous avez fait des insatisfaits, et puis on boira ensemble, on trinquera à cette nouvelle année qu'on espère bonne pour tous! Bah ouais, bon 2016, 15. 2016, c'est l'année prochaine. Donc c'est Marc Verdier qui va prendre la parole dans quelques minutes pour nous parler des illuminations de Noël à Nancy. Et puis évidemment, on reviendra sur ta chronique de la semaine dernière, Camille, où tu présentais, je ne sais plus. Bah des cadeaux, là, ceux qu'on a oubliés, et puis... Ce sera encore bon, là. On va pouvoir les rouvrir encore. Ouais, pour la nouvelle année. Gardez-les pour les anniversaires à venir. Wouh ! Parfait ! On se fait un petit Philippe Catherine en 20 secondes et puis on revient de la mission de la semaine dernière. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Le bed ne part pas, mais c'est pas grave, Camille, c'est à toi. D'accord, on a fait un petit blanc. Bon, il est peut-être un peu tard pour songer au cadeau, pendant que vous trinquez. Encore quelques idées quand même pour vous rattraper demain, après-demain, pour ceux que vous aurez oubliés. 2-3 bouquins, on fonce chez Gestalten éditeur, hein, mon éditeur préféré. Le Map Design Toolbox, un livre qui vous permet de fabriquer vos cartes, joli design. En plus, un DVD qui accompagne le bouquin, qui vous permet de jouer au cartographe. Belles illustrations, belle interface et beau bouquin. Foncez, offrir ça à votre randonneur préféré. Également, Imagine Architecture, plus cérébral, un lien photographique et illustré, enfin un bouquin qui fait le lien entre la photographie, l'illustration et la production architecturale. Ultra contemporain dans son approche, ultra contemporain dans son illustration et dans son iconographie. Voilà, Imagine Architecture chez Gestalten. Également, pour les plus jeunes, vous pouvez, et c'est deux saisons, quatre petits livres, des bouquins qui s'appellent Land Art, fait par Marc Pouillet aux éditions Plume de Carotte. Du Land Art en automne, en hiver, au printemps et en été, pour accompagner les enfants dans le jardin et dans les parcs et faire de jolies choses avec des feuilles mortes, ou vivantes d'ailleurs si c'est l'été. Et puis pour les gamins, on est obligé d'y penser. Et puis pour les plus grands aussi, je pense que c'est les papas et les mamans qui feront les Lego architecture. Et vous y retrouverez la Villa Savoie, l'Opéra de Sydney, la Maison Farnsworth, également la Maison sur la Cascade, et puis tant d'autres, plus classiques aussi. Et un petit dernier bouquin pour vous évader, là, demain, pour aller digérer. Cabine, un livre sur les cabanes aux éditions Taschen. Donc les éditions Taschen qui sont connues pour être accessibles et grand public. Donc même pour les non-avertis, apprenez-leur à faire de belles cabanes en leur proposant de belles photos de cabanes. Allez, il n'est pas trop tard. Retour à l'apéro en compagnie de Marc Verdier. Et je suis pas sûr que demain on va digérer parce que c'est le classique tour de famille, tout ça, hein, le 25. Donc c'est encore l'occasion de terminer les restes de la veille. Merci Camille, on te retrouve en fin d'émission pour tes découvertes. Et puis tout de suite, évidemment, on retrouve notre invité du jour en la personne de Marc Verdier. Marc Verdier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous disiez hors antenne que vous aviez trouvé une autre idée de cadeau originale pour ces fêtes de fin d'année. Oui, c'était un très beau livre pour enfants. Je pense que c'est bien aussi pour des tout petits. Un livre qui s'appelle Popville. Hein. L'auteur s'appelle Toy Sorman. Je pense que ça doit se trouver dans toutes les bonnes librairies. Au moins, ça peut se commander. Nous ne militons pas pour que ça soit commandé sur des sites internet qui commencent par A et qui finissent par N. Nous sommes des grands défendeurs des librairies, en particulier l'ancienne. Mais en tout cas, c'est un très très beau livre parce que c'est, vous savez, ces livres, quand on les ouvre, il y a une petite maquette qui se déplie. C'est un système de carton plié absolument magnifique. Et les premières pages, c'est un petit village dans la campagne avec une petite rue, une petite route plantée d'arbres d'alignement. Il y a l'église, il y a les villages, etc. Puis au fur et à mesure où on tourne les pages, ben, il y a des nouvelles pièces qui arrivent, il y a des nouveaux bâtiments, il y a même une mosquée à un moment donné, il y a carrément un quartier, il y a des grues. Et finalement, ça se termine par une mégapole absolument immense avec des routes, avec des très des quartiers très différents, etc. Et je trouve que c'est une belle aventure pour un enfant que de se plonger dans un livre comme celui-là et en tournant les pages de voir la ville se faire. Et je pense que c'est un beau message à faire passer aux enfants, montrant que la ville c'est du temps matérialisé, du temps qui se traduit dans la pierre, dans le construit, mais que finalement on vit dans du temps. Voilà. Et je trouve que du coup c'est un beau livre. Donc Pop Ville, Toy Sorman, allez voir, ça vaut 15 euros. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait abordable. C'est un beau cadeau pour des enfants, peut-être pas pour en faire des architectes, mais pour en faire des gens qui sont éclairés sur l'architecture. Je crois que c'est notre vœu à tous, architectes, d'avoir des gens éclairés sur l'architecture. Oui, on le veut. Alors, on va rebondir sur ça pour parler des cadeaux de Noël qu'on a eus en étant plus jeunes et qui nous ont peut-être directement ou indirectement influencés vers notre future carrière professionnelle pour nous et puis votre carrière professionnelle pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez eu sous le sapin quand vous étiez petit ? J'ai eu des choses, enfin on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs c'est des choses assez intemporelles, j'ai eu des Legos. Évidemment. Mmh. Alors, ce qui était rigolo, c'est que moi, j'avais un frère qui avait presque le même âge que moi. On avait 10 mois de différence. Donc, vraiment quasiment jumeaux. Et on jouait pas à la même chose. Et moi, j'avais les Legos et puis j'essayais évidemment de fabriquer tout un tas de choses assez improbables et qui ne tenaient pas. Et mon frère, lui, c'était un frappé du mécano. Vous savez, d'ailleurs, ça revient à la mode aussi, les mécanos. C'est made in France, hein. Les usines sont encore en France, mécanos, donc il faut acheter mécanos. Mais cela dit, le mécano, c'était très technique, vous savez, il y avait les vis, les machins, enfin, tout ça. Et moi, alors c'est vraiment un truc, je pouvais pas. Et mon frère est devenu ingénieur. Et moi, avec mes Legos, je suis devenu architecte. Alors voilà. Et vous savez évidemment que moi, je suis plutôt quelqu'un d'intéressé par la ville, et le territoire et le paysage. Et alors, notre grand truc, alors qu'on partage avec mon frère, parce qu'il faut aussi des ingénieurs pour faire ça, on était petits, hein, mais quand même, c'était un train électrique. On avait un train électrique, c'était Jouef. Je me souviens, on passait des heures devant les vitrines des magasins. Je me souviens, il y en avait un à Nancy, qui était au bout de la rue de la Commanderie. Il y est toujours. Il y est toujours. Moi, j'ai passé des heures émerveillées devant ces vitrines à regarder les trains tellement de petits détails de qu'on pouvait passer. Voilà. Et alors nous, et moi je crois que ce qui m'amusait le plus, je crois que mon frère lui c'était le genre justement pour le coup c'était le rail et puis c'était l'élément les transfaux, enfin tous ces trucs là. Et moi ce que j'adorais c'était tripatouiller dans le papier pour faire des crèches aussi, parce qu'on faisait des montagnes, on faisait du relief et puis on posait des gares et des maisons et finalement je fabriquais déjà des formes de paysages et de morceaux de ville en faisant ça. Alors je me pose la question très sérieusement d'ailleurs de savoir si à un moment donné c'est des intérêts innés qui se formalisent autour de ça, ou voilà, quel rôle ça peut jouer dans une formation de l'esprit qui va autour de la fabrication de l'espace et plus tard du cadre de vie. Et puis voilà, après on avait d'autres choses. Là, on parlait tout à l'heure aussi hors antenne du tapis, du grand tapis sur lequel il y avait une ville qui était imprimée et qui permettait de jouer à plein de choses, quoi. C'est-à-dire on avait aussi bien avec des petites voitures, des billes, enfin toutes ces choses, et quelque part c'est comment on matérialise l'espace et comment on joue avec l'espace quand on est enfant, et c'est bien. Je pensais aussi, vous parliez du Monopoly tout à l'heure. Alors c'est vrai que moi je suis cette génération où le Monopoly, je sais pas si ça a évolué, mais le Monopoly c'était une logique assez capitaliste quand même. Ça veut dire que ça l'est toujours. C'est le principe du jeu même. C'est le principe du jeu de gagner de l'argent. C'est quand même un peu affligeant parfois. Plein les poches. Et je me disais qu'il y avait sans doute un et Romain disait qu'il faudrait déposer un brevet. Alors si on le dit à la radio c'est trop tard, mais c'est pas grave, on est généreux. Voilà. Et donc le fait de le dire à la radio, ça fait preuve de brevet. Puisque officiellement, c'est diffusé à une date fixe. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Non, mais ça m'intéresse parce que bon, vous voyez, j'ai encore un vieil atavisme de capitalisme. En fait. Ça fait preuve de brevet. Bon. Enfin, ça fait preuve de déclaration en tout cas. Bon, tout n'est pas perdu, nous pourrons faire fortune. Alors voilà, j'imaginais qu'on pourrait faire un éco-monopoly. Ça veut dire qu'on gagnerait des points si la maison était écologique, si elle était construite avec du bois et isolée avec de la paille, plutôt que d'acheter la maison de la rue de la Paix ou l'immeuble de la rue de la Paix, puis passer par la gare. Eh ben, on aurait plutôt le tramway qui mange moins d'énergie, qui rejette moins de gaz à effet de serre. On aurait l'éco-quartier, etc. Et je pense qu'il y a une nouvelle forme de monopoly à inventer, et peut-être que ça pourrait être quelque chose que l'association des étudiants de l'école d'archi pourrait faire pour se faire un peu de sous et pour faire plus la fête. Ouais, c'est pour ça. Bon, ça peut leur donner des idées, c'est vrai. un peu comme le calendrier d'ailleurs qui est actuellement en vente, le calendrier de l'école Villa dans tout ça, si vous voulez les retrouver, ils ont un site internet, on mettra le lien sur notre page Facebook. Alors Villa dans tout ça, enfin juste un mot pour dire que justement c'est une association qu'il faut encourager dans notre école à l'initiative d'étudiants et d'étudiantes extrêmement engagés pour diffuser la culture. Dernièrement, l'association a emmené un bus d'étudiants au Philharmonie de Luxembourg de Ports-en-Part, un bâtiment hors du commun qui est vraiment d'une beauté incroyable et d'une qualité acoustique extraordinaire, avec d'ailleurs aussi un niveau de concert qui est tout à fait exceptionnel, à même pas une heure de chez nous. Donc voilà, Villa dans tout ça permet l'accès au plus grand nombre et aux étudiants en tous les cas de ce genre de choses, et je pense qu'il faut absolument l'encourager. Donc oui, acheter le calendrier. On se quitte sur ces mots, on revient dans quelques minutes sur Archiphonique. En attendant, une petite pause musicale, c'est Téléphone et Cendrillon qui arrivent, et puis on reviendra juste après pour parler des décos de Noël dans les villes. Voilà, sujet qui nous amènera à un grand débat. À tout de suite. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. téléphone, Cendrillon sur Fadjet, dans l'émission Archiphonique. On est de retour pour cette deuxième partie de soirée, de l'émission, parce que de soirée, on va peut-être pas être trop ambitieux, avec Marc Verdier, qui nous a proposé un sujet de débat, c'est la fête dans la ville. Et donc, du coup, pour ce débat de la fête dans la ville, on va parler de la fête de Noël dans la ville. Alors, quel est votre point de vue sur les fêtes de Noël ? Oui, enfin, la proposition, c'était notre petite discussion sur la question des marchés de Noël, c'est-à-dire qu'on est parti de Noël des archis, et puis du coup, évidemment, des chalets. On parle d'architecture, on parle du chalet quand même, cet objet affligeant. Voilà, et du coup, on a parlé du marché des marchés de Noël dans Nancy, mais dans les villes de façon générale, puisque maintenant on en trouve depuis Strasbourg, qui est évidemment le marché de Noël, qui est devenu un objet de tourisme incroyable, puisque je ne sais plus combien de centaines de milliers, énorme, voire de millions de personnes. C'est la capitale de Noël de l'Europe. Absolument, ce qui est incroyable. Mais on en trouve aussi à Montpellier, on en trouve dans n'importe quel, voilà, dans le Rouergue et je ne sais où, on a les mêmes petits chalets, avec sans doute quelqu'un qui a trouvé le filon pour fabriquer du chalet industriel. Oui. Absolument, avec la fausse neige, les fausses stalactites, les petits volets roulants. Voilà. Donc c'est encore plus triste quand c'est fermé d'ailleurs. Enfin bon, c'est terrible. Et donc moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de partir de cette question des marchés de Noël et de ces petits objets, pour élargir à la question de la fête dans la ville, où se trouve l'événementiel, où se passent les événements, et en quoi, à un moment donné, ils mettent en scène la ville comme étant un spectacle. Et moi, je pense que la ville est un spectacle. Enfin, la ville, c'est une chance, quoi, d'avoir ces villes qui sont des lieux qui bougent, qui sont en mouvement perpétuel et dans lequel il se passe énormément de choses. Et je pense que on le voit à Nancy, sur plein d'événements incroyables à Saint-Nicolas il y a pas très longtemps, qui a rassemblé, alors il y a eu un débat d'ailleurs sur le nombre de personnes qu'on arrive à mettre sur la place Stanislas. Enfin, ça peut être 25 000 personnes sur cette place, et puis un mouvement de foule sympathique, enfin un mouvement de foule au sens très positif du terme, avec une vraie fête, un vrai événement, et je crois que ça, c'est des choses qu'on peut regarder attentivement. Voilà. Il y a ça. Alors, évidemment, il y a des grandes fêtes dans d'autres villes. Je pense à Saint-Nicolas, c'est quand même très spécifique à la Lorraine et chez nous, en particulier Nancy, Metz, Saint-Nicolas-de-Port, Toul, etc. Mais il y a d'autres villes. On parlait de Lyon tout à l'heure, de la fête de la lumière à Lyon. Voilà. Je crois qu'on a, cette chance d'avoir encore des spécificités, et il faut plutôt diffuser l'envie de se rencontrer, de déambuler dans la ville, de la redécouvrir au travers de ces événements, plutôt que ces lieux, pour moi, de consumérisme absolu que sont les petits chalets de Noël qui sont pas très stimulants. Non. Alors, qu'est-ce qui doit faire événement dans la ville à cette période de Noël? Qu'est-ce qui peut faire événement, outre le fait d'installer des chalets et de recréer une sorte d'événement? Alors, moi je crois que l'événement, c'est la ville. Alors, par contre, peut-être l'événement, c'est de la voir autrement. Lyon, c'est ça. Vous rentrez de Lyon. Lyon, on voit la ville autrement. D'un seul coup, il y a des choses qui sont projetées sur les façades, et d'un seul coup, la façade s'anime. Mais si vous vous souvenez, pendant l'été, à Nancy, sur la place Stanislas. C'est magique. Et moi, j'y vais plusieurs fois dans l'année, et à chaque fois, je suis émerveillé par les petits bonhommes bleus qui reconstruisent. Un travail fantastique de lumière. Et l'événement, c'est quoi? C'est simplement voir la ville autrement, et faire passer des messages. Je crois qu'il y a ça. Si on reprend les marchés de Noël, regardons où on les met. On les met dans des recoins de la ville. Non mais attendez, la place Thiers. Aujourd'hui, c'est un lieu de passage, c'est pas une place. Alors peut-être qu'à terme, elle sera complètement requalifiée. On met ça dans un coin près de l'église Saint-Sébastien, dans un endroit où ça embête personne, mais les gens passent un peu, évidemment, parce qu'il s'agit de vendre. Mais c'est les recoins de la ville. Moi, je crois que, et pourquoi pas dans des recoins, mais à ce moment-là, on les fait vivre autrement, on leur fait dire des choses, quoi. Je crois vraiment qu'il y a cette idée que il y a trois semaines, enfin je sais plus quand exactement, un week-end avant Noël, autour du 13-14 décembre, il y a eu, c'était pas il y a 3 semaines, c'était il y a 15 jours, il y a eu le petit bazar. Vous savez, cette ouais. Oui, l'exposition d'artistes, de créateurs assez inventifs. C'était sur le site d'Alstom, non ? Alors voilà, c'était dans le site d'Alstom, qui est une très belle usine, enfin que tous les Nancéens connaissent, hein, puisqu'il y a la biennale de la photographie, il y a des événements de temps en temps, et ce lieu est ouvert ponctuellement, et d'un seul coup, on redécouvre ces structures en acier, ces structures industrielles qui sont des lieux vraiment parfait pour faire des expositions et amener les gens encore une fois à faire la fête, à se rencontrer. Moi j'y étais, il y avait un orchestre, il y avait à manger et à boire, il y avait des gens qui étaient de bonne humeur, il y avait tous ces créateurs qui nous montrent cet esprit inventif qu'il peut y avoir en Lorraine un petit peu partout. Ça allait des artistes verriers aux gens qui travaillaient plein d'autres matières, voilà, et je trouve ces lieux superbes. Ça me fait penser, je pense aussi que l'événement, c'est peut-être ouvrir des lieux qui ne sont pas ouverts d'habitude. Ce sentiment d'exception, ce sentiment d'élitisme. J'ai le droit, en tant qu'habitant lambda d'une ville, d'un seul coup d'entrer dans un lieu où je ne vais jamais. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, tout le monde connaît, enfin, les architectes connaissent évidemment la Biennale d'architecture à Venise, mais je pense que beaucoup de gens connaissent ces grands événements biennales d'art contemporain. Et d'un seul coup, on rentre dans l'arsenal militaire, qui n'est ouvert que pendant ces périodes-là. Sinon, c'est un lieu fermé qui n'est pas accessible. Et ce qui est magique, c'est ce qui est exposé. Et c'est surtout d'entrer dans un lieu inaccessible habituellement. Et je pense que Nancy a cette chance inouïe d'avoir ce lieu, et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore bien, souvent du patrimoine, et souvent des lieux hors d'échelle. Je crois vraiment qu'on devrait plus jouer sur ces façons de voir la ville différente, plutôt que... voilà. Et puis, s'approprier l'espace public différemment. Détourner l'espace public. Alors, on le connaît aussi à Nancy, il y a les jardins éphémères, hein, place Stanislas et puis place Charles III depuis qu'elle a été refaite. Et on voit bien, ça attire un monde incroyable. Il n'y a rien à vendre. Il s'agit simplement de vivre l'espace différemment. Il s'agit... on discute avec son voisin, on discute avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui est là et qui prend la photo ou qui se prend en photo. Vous voyez, c'est les Snapchat, selfish, là, selfie, ouais. Ouais, vous savez, moi je suis plus de cette génération. Autoportrait avec un smartphone. Autoportrait avec un smartphone. Ah. Vous savez, on a vu Obama faire ça. Exact. Oui. C'est ça. La grosse polémique. Voilà, et par exemple aussi, il y a le feu d'artifice, je trouve, au 14 juillet, sur l'étang de la Méchelle. Et on a un mouvement de foule qui descend sur l'étang de la Méchelle. C'est incroyable. Il n'y a jamais autant de monde dans le tram que ce 14 juillet. Je l'ai pris là cette année, c'était un truc d'expérience. Voilà, et je crois vraiment que sans doute ces moments-là sont des moments où on pourrait faire voir la ville, les arrières de la ville, les inconnus ou les cachets de la ville. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faudrait essayer de faire, plutôt que de faire nos petits chalets qui sont là pour vendre encore un peu plus de chichi, de pretzels, ouais, de bricoles, de vin chaud. C'est bon les pretzels. Ah oui. Oui, mais enfin, c'est pas très lorrain. Et puis il y en a 5 local. Chalets qui le font, donc au final. Oui. Bon, il y a les sextoys aussi. Ouais. Ah bon. Si. Ça c'est toujours été un truc compliqué. Quand vous avez des élus et des politiques qui vont inaugurer les marchés de Noël, il faut qu'ils évitent le chalet sextoy. Les petits sextoys rigolos en forme de Père Noël et tout. Enfin, j'avais jamais vu ce stand-là. Bon. Et retourne faire la fête avec Camille. Woo! Ouais. Merde, mon burrito. Ouais. Oui, alors. Une petite idée de sortie pour demain. Bah oui. Alors. Je sais pas si on sortira demain, mais bon. On sera pour après-demain. Moi, j'ai ma solution pour remise en forme après cette soirée qui s'annonce. C'est bien. Alors, un petit truc, une astuce. Près de Sarrebourg, il y a le Center Park. Franchement, qui est pas trop mal. C'est des Bordelais qui ont fait ça. Il s'appelle Art Ur Architect. Structure bois, en pleine campagne, c'est une bulle. Ouais, non, mais ça va faire du bien d'aller se baquer demain, les fesses dans l'eau, ça c'est agréable. Trop chaud. Et franchement, architecturalement, un peu spectacle, mais plutôt bien foutu. Ça aurait pu être tellement pire que ça en est franchement pas mal. Quoi. Ouais. Donc, allez profiter de Center Park, c'est à Attigny précisément. Si vous y allez dimanche soir, c'est moins cher, va falloir patienter un peu. Bon, allez, bonne médiade, moi j'y retourne, je vais me refaire un mojito, à plus tard, bonne année! Salut Camille! Nous on se retrouve l'année prochaine, mercredi prochain, on sera. Le 7, bah oui, le 7, puisqu'on est le 31, donc on sera le 7. Ouais. On sera le 7 janvier, on se retrouvera dans Archiphonique pour une toute nouvelle émission. D'ici là, évidemment, passez un très bon réveillon du nouvel an. Faites attention, hein, ne buvez pas trop. Attention sur la route quand vous retournerez chez vous. Embrassez vos copains, votre famille, tout le monde. Et puis, de notre part aussi, on vous souhaite une excellente fin d'année. Embrasse-les pour moi, hein. Oui, on n'y manquera pas, Camille. Boîte au Morito. Et puis évidemment, à l'année prochaine, salut et bon 2015 à tous! Thank you.